Les débuts du jeune ménage à Yonville sont maussades. La clientèle n'arrive guère et la naissance d'une fille n'arrache qu'au proviseur roman Emma à son ennui. Peu à peu, elle tombe amoureuse de Léon et cherche vainement un dérivatif dans la religion et dans l'éducation de Berthe, sa fille. Mais Léon est bientôt appelé à Paris pour ses études. Emma devient fantasque et imprudente. Au bureau du voisinage, Rodolphe Boulanger, entré par hasard pour consulter Charles, rencontre Emma, remarque son état d'esprit et décide de la revoir le jour des commis agricoles.